Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que les conditions de confinement ne sont pas trop pénibles et trop inconfortables pour vous toutes, pour vous tous, pour vos proches. Et quant à moi, je suis en train d'enregistrer ce cours dans ma voiture parce qu'il pleut. Et que donc mon enfant est avec ma femme. Et au niveau sonore, je crois que c'est plus judicieux de s'isoler dans cette voiture plutôt que de rester dans le salon. Or, je vais tout de suite rattraper les fils de notre discours. Après avoir réfléchi aux enjeux socio-technologiques de l'interface, après avoir considéré à l'aide de certains auteurs, dont Lev Manovich, mais aussi Weizmann, que les perceptions que nous avons du réel du monde sont toujours technologiquement équipés et donc orientés, organisés. Nous nous étions quittés sur la pensée d'un psychanalyste devenu plus récemment psychanalyste du web, étant donné que les dernières de ses travaux portent sur les pratiques numériques et sur la manière dont notre intériorité se conforme à la spatialité numérique, c'est-à-dire la pensée de Serge Tisseron, qui, je suis en train de visualiser la dernière diapositive de notre dernier cours, écrit que l'utilisation d'un médium conduit inévitablement son utilisateur à intérioriser la logique spatiale qui est mise en jeu, autant que les contenus qui sont mis en scène. Il y a trois concepts clés dans ces quelques lignes, les concepts d'intériorisation, les concepts de logique spatiale et celui de mise en scène. La technologie numérique est la technologie qui consiste dans une qui comporte des dynamiques d'intériorisation, tout étant, comme toute technique, comme toute technologie, une forme d'extériorisation. Nous sommes habitués à concevoir, à penser le plus souvent la technologie comme ce qui extériorise, ou plutôt c'est en quoi nous extériorisons nos facultés. Nos facultés physiques, corporelles et nos facultés mentales. Nous extériorisons la faculté mentale du calcul dans les appareils qui nous aident à faire des calculs plus ou moins complexes. Tout comme nous extériorisons les mouvements du genou dans la roue. Tout comme nous extériorisons l'effort et le geste de la main dans le marteau, par exemple. Nous extériorisons la vue dans les lunettes. La technique et aussi la technologie, par exemple la technologie de la communication, ont toujours été considérées comme des formes d'extériorisation. À l'instar de celui qui est considéré comme ayant été le père des études en théorie des médias, je parle de Marshall McLuhan, nous pouvons considérer les médias comme des formes d'extériorisation de notre faculté sensorielle. La vue, l'écoute s'extériorise dans la radio, dans la télévision, dans le cinéma. La technologie numérique ajoute, sans vraiment le renverser, ajoute à ces paradigmes-là, les paradigmes de l'extériorisation, celui complémentaire, à bien voir, de l'intériorisation. C'est-à-dire qu'après avoir extériorisé à l'écran nos pensées, nos idées, nos images mentales, après avoir vu, lu, agi dans le web et à travers le web, nous intériorisons l'ensemble de ces contenus. Donc, en premier moment, en une première phase d'extériorisation, le web peut être considéré comme une forme d'extériorisation de notre intelligence et de notre esprit. On reviendra plus loin pendant notre cours sur cet aspect. Nous extériorisons notre intelligence, nous extériorisons certaines facultés de notre esprit, de notre psyché, et puis nous les intériorisons. C'est le mouvement inverse. Intérioriser consiste dans, l'intériorisation consiste dans un processus fantasmatique, comme le disent les psychanalystes, un processus abstrait pour lequel un contenu qui est posé hors de moi, hors de mon corps, finit pour être intériorisé, c'est-à-dire absorbé, incorporé dans mon intériorité psychique. Nous pouvons, par exemple, intérioriser la logique spatiale d'un moteur de recherche, la logique spatiale d'un navigateur. Nous pouvons faire l'hypothèse que, après des années d'emploi de certains navigateurs et certains moteurs de recherche, notre manière de chercher, quoi que ce soit, un objet quelconque, en dehors du web, cette manière-là, soit désormais influencée par l'habitude que nous avons de chercher un contenu quelconque en ligne. Je peux chercher un livre dans ma bibliothèque comme si j'étais en train de le chercher sur Google, avec par exemple les mêmes vécus de frustration au moment où je ne les trouve pas. Ceux qui s'occupent de sites de rencontres, ceux qui étudient, surtout du point de vue de sciences de l'information et de la communication, mais aussi du point de vue de la sociologie, les sites de rencontres, constatent que les stratégies qui caractérisent les échanges dans les sites de rencontres, les premiers échanges, et puis, au fur et à mesure que la relation continue et se développe, les échanges, disons, propres à des phases suivantes, suivantes les tout premiers moments, ces stratégies-là sont appliquées aussi en dehors des sites de rencontres. Avec les personnes que nous avons connues à travers ces sites, mais aussi avec d'autres personnes que nous n'avons pas connues dans les sites de rencontres, mais c'est comme si c'était le cas. C'est-à-dire que cette logique spatiale ne se borne pas à la plateforme. Elle devient un outil, pour ainsi dire, un de nos outils cognitifs, ou si vous voulez, une de nos façons de faire, une parmi d'autres manières de parler, par exemple, de séduire, de répondre ou pas au message de notre interlocuteur. Le web n'existe pas seulement dans le web, n'existe pas seulement sur le web. Le web est devenu aussi une dimension psychologique et sociale. D'ailleurs, lorsque Lev Manovich écrit que disons, l'expérience que nous faisons lorsque nous sommes en ligne ne se limite pas à cet être en ligne, mais qu'elle déborde pour influencer en général notre manière d'habiter le monde. Lev Manovich, que nous avons déjà mentionné lors de notre dernier cours, ne dit pas quelque chose de différent. La logique spatiale est la méthode selon laquelle certains objets, certains contenus, certaines données, certaines informations visuelles ou pas sont disposées. Disposer d'une manière efficace. On peut parler de logique spatiale s'il y a une configuration, une mise en place efficace, cohérente, cohérente et dans, disons, dans le but, dans un but particulier, dans un but donné. La mise en scène, pour passer à la troisième notion évoquée par Serge Tisseron, la mise en scène est une technique propre déjà au théâtre et puis au cinéma, mais aussi aux réseaux sociaux. Mais aussi à la vie quotidienne, pour citer l'ouvrage déjà mentionné de Erwin Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, ouvrage en trois volumes que nous pourrons lire ensemble, j'espère, très bientôt. Étant donné que ce que nous faisons dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux, c'est de la mise en scène. Et par ailleurs, ce que nous faisons en général est, d'après Erwin Goffman, de la mise en scène. Cette mise en scène, disais-je, est née comme dispositif théâtral, comme étant le lieu du regard et de l'action. C'est ça, la mise en scène. La mise en scène consiste dans le fait de mettre plusieurs choses, de disposer plusieurs éléments pour créer la scène qui n'existait pas avant, qui ne pourrait pas exister en dehors de cette configuration. Je mets en scène des choses, la scène n'existe pas avant. Donc je mets en scène la scène, pour que des choses puissent avoir lieu, pour que des choses puissent de cette façon attirer le regard. Le théâtre est par excellence le lieu de l'action, du drame, drama, dramatos en grec signifie action. Et le lieu de l'action est le lieu du regard. Le verbe theaomai en grec signifie regarder. La théorie, c'est la, disons, est la version intellectuelle d'un regard. On va au théâtre pour voir, pour aller voir ce qui se passe. Donc, intériorisation, logique spatiale, mise en scène. Nous sommes en train d'utiliser des médias. Serge Tisseron emploie les mots médium qui est dans la langue latine le singulier, disons, de média, mais c'est vrai qu'un certain usage introduit aussi l'emploi du mot média au singulier. Donc je peux parler d'un média ou des médias, ou sinon d'un médium et des médias, si je veux nuancer. C'est entre le singulier et le pluriel du mot. Or, je vous invite à finalement à ouvrir le support de notre cinquième cours. Quel est le médium que nous employons très souvent pour penser, pour nous exprimer, pour communiquer. Un des médias, disons les plus importants dans le rapport toujours médiatisé que nous avons au monde est l'image. Après avoir introduit au concept d'interface et donc de médium, les médiums est ce qui est au milieu, ce qui crée le milieu, ce qui permet l'échange, la communication entre plusieurs acteurs, entre plusieurs participants. Eh bien, l'image constitue un médium fondamental pour l'être humain, parce que déjà nous pensons en images, nous pensons avec les images, nous pensons à travers les images. La pensée humaine se fait de mots et d'images. Si vous fermez les yeux, si vous essayez d'y penser, justement, lorsque l'on pense, on voit des choses, on entend des mots avec sa voix intérieure. L'intelligence humaine connaît l'image comme étant un élément logique primordial, fondamental. Aristote, dans son ouvrage dédié à la psyché humaine, à l'âme, à notre intériorité, écrit très clairement qu'il nous est impossible de penser sans image. Et Jean-Paul Sartre, beaucoup plus tard, dira la même chose. Penser signifie, entre autres, passer d'une image à l'autre. Nous avons donc une sorte de intimité avec les images. L'image est ce qui et c'est en quoi nous extériorisons nos idées, nos visions du monde ou d'un aspect du monde, mais ces images habitent déjà notre psyché, habitent déjà notre fantaisie, habitent notre mémoire. Or, si on essaye de réfléchir à l'origine déjà de cette notion, de ce concept, on s'aperçoit que l'image était toujours mise en relation avec l'absence, jusqu'à l'absence ultime et définitive, c'est-à-dire la mort. Si vous regardez la diapositive numéro 2, vous pourrez voir dans cette image une scène, la scène mythologique, dans laquelle cette fille débutade cherche à dessiner les contours de l'ombre de ce jeune homme qui va bientôt partir. Et Dibutiad sait que cet homme va bientôt partir. Et comme elle est amoureuse de ce jeune homme, elle veut garder un souvenir. Elle veut garder une forme de présence de la personne aimée. Et donc, elle s'aperçoit que l'ombre est juste derrière elle. Et donc, avec un crayon, elle trace le profil de l'ombre de son aimé. Cette histoire est racontée par Pline l'Ancien dans l'Histoire naturelle. Cette histoire est considérée comme étant à l'origine de la naissance de la peinture, et donc à l'origine de la naissance de l'image. L'image est en rapport avec l'absence. L'image essaye de pallier l'absence. D'ailleurs, les mots imago, les mots imago, d'où le mot image, les mots imago dans la langue latine identifiaient justement le moulage du visage des morts. Ces moulages, cette espèce de masque, hein, que les magistrats, pendant les funérailles, portaient pour l'exposer au public, et qui très souvent pouvaient placer chez lui dans des niches, ou sinon alors offrir à la famille, aux proches du défunt, pour que ce moulage, ce imago, soit conservé, soit gardé à la maison comme une icône, hein, comme une icône sacrée. L'imago qui remplace le mort. Les mots imago, les mots latins, imago, dérive du mot grec eidolon, qui signifie âme du mort, c'est-à-dire image. L'eidolon est l'image du défunt. Or, la question de l'idolâtrie, les cultes de l'eidolon, c'est-à-dire les cultes de l'image, est une question au cœur du développement de notre culture, qui est devenue, comme l'on dit, la culture de l'image. Et notre culture, qu'on le veuille pas, a été travailler en profondeur par la pensée religieuse. Quand je parle de notre culture, si je m'arrête un instant, je ne sais pas trop bien de quelle culture je parle en réalité. Essayons de parler de la culture occidentale, voilà, essayons de parler en termes purement géographiques, hein. Parlons de la culture occidentale. La culture occidentale a été influencée par la pensée religieuse, par plusieurs pensées religieuses. Et là, je fais référence surtout aux trois religions monothéistes qui ont développé et qui ont toujours une position très différente par rapport à l'idolâtrie, le culte de l'eidolon, le culte de l'image, et donc à l'iconographie, l'écriture au sens de la poésis, de la production de l'icône, de l'image, ou alors de l'iconoclastie. Klaio en grec signifie brûler, hein, la destruction de l'icône, hein, la destruction de l'image. Je disais, les trois religions monothéistes ont des positions très différentes. Ces positions sont les résultats d'une histoire, sont le résultat de vicissitudes assez violentes. Parfois, si vous allez à Istanbul et que vous allez que vous rentrez à Santa Sofia, vous trouverez ces énormes panneaux sur lesquels des inscriptions arabes cachent les représentations de sacré qui existait à l'époque où Sainte-Sophie était une église suite à la conquête de Constantinople. L'église devient une mosquée et donc toute représentation sacrée a dû être cachée. Et d'ailleurs, la citation que j'ai voulu intégrer à cette diapositive, c'est tirée de l'Exode et aussi dans la Torah. Tu ne feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. La religion juive empêche la représentation de la divinité, tout comme le fait aussi l'islam. Alors que la religion chrétienne a connu des véritables guerres théologiques, mais aussi culturelles, jusqu'à une date fondamentale, 787, la date du concile de Nicée, qui finalement autorise le culte des images. Et donc la culture chrétienne, la philosophie chrétienne qui a joué un rôle pas du tout négligeable dans l'évolution de la culture, de la pensée, des beaux-arts, hein, et la religion et la culture des images, justement. Et la culture des images, et notre culture et la culture des images aussi, parce que c'était le cas dans ces contextes, dans ces milieux religieux. Une histoire assez curieuse par rapport à cette relation, la relation entre l'image et la mort. C'est l'histoire des funérailles des rois de France. Pendant ces funérailles, je parle des funérailles des rois de France au 15e, 16e siècle, Le cadavre du roi devait être exposé au public pour que les régnants puissent venir rendre hommage. Mais bien évidemment, la putréfaction de ces cadavres constituait un problème majeur. Alors son corps était remplacé par un autre corps. Et c'était ce corps-là qui était identique au corps du roi qui venait de mourir. C'était ce corps-là qui était fait en cire, qui remplaçait et qui devenait en fait le corps du roi. Tout le monde savait qu'il s'agissait pour ainsi dire, de cette copie, et pourtant tout le monde y croyait, et tout le monde considérait que ce corps-là, le corps en cire, était le corps auquel il fallait rendre hommage. Il y avait même sur les côtés, dans cette mise en scène, il y avait même sur les côtés deux hommes chargé d'éloigner les mouches, mouches qui se seraient approchées de ce corps, si ce corps était en train de se dégrader, alors que ce n'était pas le cas parce que le corps était en cire. Mais dans cette mise en scène, il fallait faire comme si les mouches pouvaient être, les mouches ou d'autres insectes pouvaient être attirés par la chair en train de se putréfier, de se dégrader. Et donc il fallait éloigner avec des éventails. Il fallait éloigner des mouches qui en réalité ne s'approchaient pas. Vous voyez que la mise en scène, pour être réaliste, pour qu'elle ait du sens, demande que tout soit réalisé jusqu'au moindre détail. Ce corps-là est le simulacre. Et le simulacre. Le simulacre, c'est écrit dans l'Ecclésiaste. Le simulacre est toujours vrai. Le simulacre ne nous cache rien. Tout le monde savait que c'était un simulacre. C'est plutôt la vérité, c'est écrit dans l'Ecclésiaste, qui nous cache le fait qu'il n'y en a pas. C'est la vérité qui nous cache le fait que la vérité, en réalité, n'existe pas. Or, nous l'avons dit au début de ce cours, l'image a toujours été en rapport avec la mort. L'image est toujours en rapport avec une absence. L'image a toujours fait partie donc d'une économie de la substitution, qui donc fait de l'image, faisait des l'image auparavant un bien des premières nécessités, comme l'écrit Régis Debray. Régis Debray considérait, disons, le père, le fondateur de la médiologie en France, surtout. L'image sculptée, l'image peinte est à l'origine de cette médiation entre les vivants et les morts, entre les humains et les dieux. Une image qui a une vertu métaphysique qui nous permet de concevoir d'abord l'existence d'une divinité d'une éternité. Et en ce sens-là, donc, Debray en parle comme d'un bien des premières nécessités. On avait besoin de fabriquer des images. Nous avons besoin de fabriquer des images. Et cela à partir déjà au moins de la préhistoire. Si vous allez à la diapositive numéro 7, la diapositive numéro 8, la diapositive numéro 9, vous verrez des images, des photos prises dans les grottes de Lascaux. Les dernières interprétations de ces panneaux, les panneaux des cerfs et les panneaux des chevaux, voudraient qu'en réalité, ce qui a fait l'objet de ces dessins, ce ne seraient pas plusieurs cerfs ni plusieurs chevaux, mais un seul cerf et un seul cheval en train de bouger. Si vous regardez bien donc la diapositive numéro 8, la diapositive numéro 9, selon certaines interprétations, ici nous serions face à la première tentative cinématographique de la civilisation humaine. La cinématographie consiste, l'étymologie nous l'a dit, dans le fait de écrire, graphein, en grec signifie écrire, de écrire la kinésis, c'est-à-dire les mouvements. Le cinéma, c'est l'écriture du mouvement, c'est l'enregistrement du mouvement, d'un mouvement qui devient invisible à la vitesse des à la vitesse du cinéma, et, mouvement qui est visible dans ces panneaux. Dans ces panneaux, je vois les plusieurs têtes de ce cheval. Je vois les plusieurs têtes de ces cerfs. En réalité, c'est la même tête. En réalité, c'est le même cheval. En réalité, il n'y a qu'un cerf qui est en train de bouger. Alors ici, moi, je vois les mouvements parce que je vois les séquences. Je vois les séquences. Alors que je ne vois pas les photogrammes quand je regarde dans un film. Le cinéma nous cache le fait que les mouvements n'existent pas. Nous cache le fait qu'il s'agisse d'une discrétion de et donc d'une discontinuité de photogrammes. Tout comme les sentiments de l'être en ligne, les sentiments du flux, comme on l'appelle, du flux de l'être en ligne, du flux numérique, nous cachent le fait qu'il s'agit en réalité, d'une discrétion, d'une série discrète de 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est ça la numérisation. Les images, comme donc forme, comme étant des formes de médiation entre l'homme et le monde, l'homme, écrit Wilhelm Flusser dans son ouvrage pour une philosophie de la photographie, l'homme n'a pas un accès direct au monde, l'homme n'a pas un accès immédiat, c'est-à-dire qui ne soit pas médié, qui ne soit pas médiatisé au monde. Notre perception est toujours technologiquement équipée. Je le répète parce que c'est c'est un concept phare dans notre cours. La perception que nous avons est toujours technologiquement équipée et donc organisée et donc orientée. Le rapport au monde n'est jamais vierge, n'est jamais neutre, n'est jamais immédiat. L'expérience, alors plus en détail, que nous faisons quand nous sommes les lecteurs, les auditeurs, les spectateurs, les joueurs, c'est-à-dire les consommateurs de produits qu'on qualifie de culturels, cette expérience-là est d'abord une expérience perceptive qui demande toujours des infrastructures, qui demande toujours un appareillage, un outillage particulier. L'ingénierie des industries culturelles et des médias numériques est l'ingénierie des infrastructures, des appareils, des dispositifs, des outils qui permettent de faire des expériences en tant que spectateur, en tant que lecteur, en tant qu'auditeur, en tant qu'auteur, en tant que joueur, en tant qu'acteur. Nous avons besoin d'une structure, d'une infrastructure et dans laquelle la perception est à la fois individuelle et collective. Le rôle de l'ingénieur là-dedans consisterait dans la capacité de saisir cette complexité, la complexité socio-technologique des industries culturelles et de toute forme de médiation numérique, et pourquoi pas concevoir les conditions matérielles, donc technologiques et par la sociale, dans lesquelles une perception donnée puisse finalement se réaliser et avoir lieu. Nous allons voir dans les prochains cours, nous allons voir disons quelques cas, certains cas, certaines étapes, certains exemples d'infrastructures et aussi d'appareils, les appareils, les infrastructures qui nous ont appris à être des spectateurs, qui nous ont appris à consommer de façon individuelle et collective les images. Mais avant de voir plus en détail ces exemples, j'aime, disons, m'arrêter de façon préliminaire, de façon, disons, propédeutique, à m'arrêter sur une réflexion, celle pour laquelle notre rapport au monde est médié. Nous avons besoin des images pour penser le monde, nous avons besoin des images pour penser les absences et les présences qui nous entourent. Et au moment où à partir du moment où nous fabriquons, nous produisons des images pour représenter le réel, les réels bougent. C'est pour cela que les hommes dans les grottes de Lascaux ont peut-être vraiment essayé de représenter les mouvements, malgré la fixité du support de leur représentation. À partir de ce moment-là, le moment de la création de l'image, c'est l'image qui s'interpose entre l'homme et le monde. Flusser l'a dit mieux que moi. À peine l'image commence à représenter, c'est-à-dire à rendre encore une fois présent le monde et les réels, à partir de ce moment-là, les images s'interposent et elles font écran, elles deviennent le monde qu'elles devraient représenter. Le rapport à l'image est donc un rapport à travers lequel j'essaye de comprendre la réalité, mais cette réalité, à bien voir, est constituée par ces mêmes images. Dans les diapositives suivantes, diapositives numéro 11 et 12, vous avez des photogrammes. Les photogrammes qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas dans le mouvement, dans le déroulement cinématographique. Et là aussi, cela a été le résultat, on en parlera, bien évidemment, d'un processus technologique qui a réduit les délais, hein, les décalages, les retards, hein, d'une image sur l'autre jusqu'à faire disparaître cette discrétionnalité des photogrammes. Et vous avez par la suite, diapo numéro 13, numéro 14, deux tableaux futuristes. Le futurisme aussi était la tentative de représenter les mouvements. Les auteurs, les peintres futuristes essayaient de décrire les mouvements des objets avec des effets étranges, avec les paradoxes dus à la tension entre la fixité du support, la toile, et la tentative, l'utopie de représenter le mouvement. Je viens de dire que nos perceptions sont toujours technologiquement équipées, et c'est cet équipement qui est sensoriel, cognitif, corporel, jamais oublier le corps du spectateur, le corps du lecteur, le corps de l'acteur, le corps du joueur, et aussi social et collectif, hein, l'équipement dont nous avons besoin pour créer et comprendre le monde. Les images n'existent pas en dehors de ces milieux technologiques et socio-technologiques. Les images existent parce qu'il y a un regard, et notre regard, lui aussi, est un acte complexe, est un acte plus ou moins volontaire, plus ou moins conscient, plus ou moins spontané, plus ou moins finalisé. Mais le regard est un geste, intellectuel, est parfois un choix, ou d'autres fois plutôt une contrainte. Parfois nous sommes libres de regarder, de voir, et d'autres fois nous sommes obligés à regarder et à voir. Flusser écrit dans le même ouvrage, je suis en train de lire la diapo numéro 16, l'homme oublie que c'est lui qui a créé les images. Pour s'orienter grâce à ces images dans le monde, il oublie que ces images sont créées, et donc il arrête de les déchiffrer. Il vit en fonction de ces propres images. C'est ce que Flusser appelle hallucination. Traiter l'image en oubliant que c'est une image, mais en considérant que cette image est un élément du réel. Cette espèce d'incarnation du réel dans les images qui est à la base des réseaux sociaux et de plusieurs formes de médiation numérique. Je disais que notre regard est toujours un acte complexe, un geste très délicat, fragile quelque part. Et pourtant, nous avons besoin de regarder le monde pour le comprendre. Et je le dis de façon métaphorique, mais aussi de façon optique, hein. Regardez, écrit et sur la diapositive numéro 17, Régis Debray, regarder n'est pas tout simplement recevoir, mais ordonner le visible, organiser l'expérience. Voilà, j'aime bien cette définition. Les regards, c'est une manière d'organiser l'expérience. les regards grâce auxquels existe l'image. Il n'y aurait pas d'image sans regard. Dans les mondes, les images existent parce que il y a des regards. Sans regard, il n'y aurait que les objets. Et ces images qui existent parce qu'il y a un regard sont en dehors de nous, tout étant aussi dans notre espace intérieur, tout étant aussi dans notre intériorité. Les regards n'est jamais neutre, les regards n'est jamais naturel. Nous pouvons faire l'histoire du regard, l'histoire du regard comme cela a été fait, l'histoire du paysage. C'est le titre d'un ouvrage, l'histoire du paysage, l'histoire de notre regard qui va avec l'histoire des techniques, l'histoire des technologies, l'histoire de croyances. Régis Debray écrit « L'évolution conjointe des techniques et des croyances » va nous conduire à repérer trois moments dans l'histoire du visible, le regard magique, le regard esthétique et enfin le regard économique. Ce sont les trois phases du regard. On reviendra plus loin dans notre cours sur ces phases. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de s'approprier cette conscience, la conscience de la complexité culturelle, donc en général, de notre regard. Chaque industrie culturelle, si vous voulez, oriente et organise d'une certaine manière notre regard, pour que nous puissions lire un livre. Le livre est imprimé d'une certaine manière plutôt que d'une autre manière pour que notre regard soit acheminé, soit accompagné. Le regard au sens de la lecture. Un film est produit, est monté d'une certaine manière. La photographie, la prise en photo s'est faite d'une certaine manière. Les cadres sont faits d'une certaine manière pour que notre regard soit acheminé, soit accompagné, pour que soit organisé dans l'expérience donc du regard au sens de la vision d'un film. Et de même, les jeux vidéo sont conçus, sont élaborés pour que l'expérience du regard, là, au sens de la vision et de l'action, soit cette expérience soit réalisée d'une manière, toujours d'une manière, pas de n'importe quelle manière, toujours d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc, la réflexion que l'ingénieur pourrait mener sur les industries culturelles, c'est la réflexion disons, d'un technologue et d'un humaniste qui reconnaît dans cette industrialisation de l'expérience esthétique du spectateur, de l'acteur, du joueur, de l'auditeur, et puis aussi dans l'expérience qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les forums en ligne, reconnaître en tout cela les structures, structures qui nous pourraient, disons, faire parler d'une ingénierie de l'expérience, d'une ingénierie alors du regard, d'une ingénierie de la perception, d'une ingénierie de la lectura d'une ingénierie de l'écoute, construira les expériences, rendre possible une certaine expérience, créer un milieu, créer les conditions pour que cette expérience se passe de façon plus ou moins heureuse. Or, à partir de notre prochain cours, nous pourrons explorer, je le disais déjà, des étapes qui ont fait l'histoire du regard, qui ont fait l'histoire de nos perceptions individuelles et collectives en tant que spectateurs, qui ont créé les sentiments de l'événement à ne pas rater, de l'événement extraordinaire, le théâtre, le cinéma naissent comme des expériences extraordinaires, alors que les médias numériques transforment cette extraordinarité dans des expériences toujours plus ordinaires. Dans cette banalisation de l'événement, combien d'événements se passeraient sur Facebook, par exemple, toutes les semaines? Il n'y a que des événements. Tout devient événement. Si tout devient événement, il n'y a plus vraiment d'événements. La médiatisation numérique à travers les réseaux sociaux, à travers la mise en scène de la vie quotidienne de tout un chacun, normalise l'événement. Là, nous sommes dans l'ordinaire ou encore plus dans ce que Perec appelait l'infra-ordinaire, ce qui est encore plus ordinaire que l'ordinaire. Et dans ces systèmes, les systèmes de l'ordinaire, nous sommes tout à la fois les spectateurs et les acteurs. Nous sommes ceux qui consomment la vidéo, mais aussi ceux qui prennent la vidéo finalement, et ceux qui publient la vidéo et qui partagent la vidéo. Je vous suggère donc de vous arrêter encore sur cette réflexion théorique, la réflexion théorique de la de cette intimité, l'intimité de l'intelligence humaine avec les images, et avant de voir comment ces théories se concrétise, se matérialise dans des appareils, dans des artefacts, dans des situations familiales et toujours plus collectives. Merci bien.